Comme on a accueilli 5 nouvelles entrées, JP. Mais oui, il faut dire au revoir à celles qui nous ont quittées. Donc, Palmer, c'est une peace. Just now, tens of change. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. Les palmarès c'est fou depuis l'édition du 5 au 11 janvier 2015. On a commencé avec l'extrait de Chocolat Burnout qui est resté avec nous cette semaine. Ça s'est essoufflé, c'est parti en dépression. deux pouilles en cavale qui sont enfuies vers les déserts lointains avec leur pièce Ouais mais là qui a duré 6 semaines. Mm-hmm. Melly Grove Band avec Don't Wanna Say Goodbye, 5 semaines avec nous. On leur a dit bye bye. Oh, bye bye. Electric Youth a pogné un choc puis s'est enfui en courant Runaway avec 7 semaines. Hey, and you will know us by the trail of death, million random Digit, 3 semaines, 3 maigres semaines pour elle. Eh oui, c'est très court, mais c'est une pièce intense, élevée un petit peu, puis tu sais, on la fait pas jouer tellement vu que. C'est élevé. C'est élevé, c'est lourd, oui. On dit, c'est lourd. Donc voilà pour Palmer Rest in Peace, où on dit au revoir aux pièces qui nous ont quittés. On fait ça en début d'émission juste après les New Shit. Voilà. Voilà.